Ouais, Seven Series, Seven Island College. Kimi ? Qu'est-ce qu'il y a, Rod ? Voilà, j'ai essayé de sortir avec Laura il y a quelques semaines. Et elle t'a dit non ? Ouais, et comme t'es moins belle qu'elle, je me disais que peut-être toi, tu voudrais bien sortir avec moi. Tu plaisantes ou quoi ? Mais t'es un gros ringard, t'as plus de scout, tu portes aucune marque. Non, et mon polo, c'est un Buitoni. Buitoni, c'est des raviolis patates. Et alors, t'as quelque chose contre les raviolis ? Lâche-moi, Rod, et retourne jouer à la marelle avec tes copains. Retourne jouer à la marelle avec tes copains ? Mais t'as quel âge ? Pauvre type. Pisse à la carotte. Papa, j'ai un problème. Ouais, moi aussi. Je trouve plus le décapsuleur. Non, sérieux, j'ai pas assez d'argent de poche. Et alors ? Eh ben, les autres, ils peuvent se payer des super fringues avec des petits gadgets. Les filles, elles adorent ça. Moi, mes vêtements, c'est des chemises à carreaux qui t'appartenaient dans les années 70. John Travolta avait les mêmes. Ça ne l'a pas empêché de draguer comme un fou. Sérieusement, si je veux devenir populaire, faut que je puisse avoir un bon standing. T'as qu'à travailler. Tu veux dire un job ? Ouais, il y a le gros Booba qui recherche un employé pour la semaine prochaine. Booba ? C'est ton copain qui tient la cabane graisseuse qui vend des frites à l'huile ? Ou disons plutôt qu'il vend de l'huile avec un peu de frites. Merci, papa. Y'a quelqu'un ? Ouais, j'arrive. J'étais aux toilettes pour nettoyer la friteuse. Je viens de la part de mon père. Bah, t'es le fils d'Hervé, toi. Comment vous savez ? Ouais, bah, y'a une petite ressemblance au niveau du bide. Merci. Mon père m'a dit que vous cherchiez un serveur. Un serveur, plongeur, cuisinier. Ouais, quelqu'un de polyvalent. Quelqu'un capable de rester dans un milieu hostile et graisseux pendant plusieurs heures, c'est sûr. Je suis votre homme, j'ai tout le temps les cheveux gras. Et si t'as l'expérience de l'huile, tu commences ce soir à 19h. Merci, monsieur Booba. Une semaine plus tard... C'est terrible, Laura. Je ne serai plus jamais le même homme. Tu es devenu impuissant, Kirby ? Non, nous nous sommes fait voler la mascotte du collège. Mais qui a pu faire ça ? À ton avis, le collège rival de Bayside ! Ils nous ont volé prout-prout, notre cochon porte-bonheur ! Il faut le récupérer ! C'est clair ! Ils me portaient chance avant chaque match, ils me léchaient les doigts ! Je peux t'aider à la récupérer. Je vais faire semblant de sortir avec un mec de Bayside, Dylan. Comme ça, je localiserai prout-prout et tu pourras le libérer. Attends, quand tu dis faire semblant, ça veut dire quoi ? T'inquiète pas, ça n'ira pas plus loin qu'une relation sexuelle protégée. Dylan ? Salut poupée, on se connaît ? On est sortis ensemble ? Je croyais que tu n'oubliais jamais un décolleté. Tu t'appelles Pamela, c'est ça hein ? C'est Laura ? Ça ne t'empêche pas de m'offrir une boule de vanille ? Une boule ? Tu viens d'où ? Du Seven Island College. Ah, c'est à vous qu'on a piqué la mascotte et c'est moi qui m'en suis chargé. C'était ça l'odeur du cochon ? La bête s'est débattue. Je te rassure, avec les femmes, j'ai moins de résistance. Embrasse-moi. Faut pas me le dire deux fois. Tu embrasses super bien. Recommence. Je veux faire le grand plongeon. J'adore ça. On se revoit quand et où ? Demain dans mon lit. T'es un rapide ? Je sais prendre mon temps quand c'est nécessaire. Alors Laura ? Il l'embrasse super bien. Non, pour la mascotte ! Quoi ? Il t'a embrassé ? Oui. Tu serais pas en train de me dire que t'es tombée amoureuse ? Non, je me sacrifie pour toi. Drôle de sacrifice, ouais. Tu me saoules, Kirby. Attends ! Alors, poulette, ça gaze ? Non, mon mec me prend la tête. Tu veux te payer du montant ? J'ai une petite surprise. Ferme les yeux et ouvre la bouche. Waouh, c'est du jambon ? Ouais, tout à fait. C'est la mascotte du Seven Island College. Je peux en ramener deux tranches ? Ouais, mais à condition qu'on se revoie bientôt. Ouais. Je casse avec mon mec et je reviens. Maîtresse, oh ma maîtresse ! Hé, Laura, et la mascotte ? Elle s'est fait fumer et toi aussi, tiens. Du jambon ? Elle est en tranches, tout comme notre amour. Adieu, Kirby.